Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Le berger dit oui. Il dit qu'ils ont besoin de couvertures et de draps de costume et que la cadette a envie d'un tartan pour les veiller. Il le lui a entendu dire souvent. Oh, et encore bien d'autres choses qu'il sait, oui, le père, la mère et les enfants, ils ont tous besoin de quelque chose, et pour la jument, une couverture à carreaux. Ces besoins paisibles qui sont contentés avec de simples choses pures. Et quand la cadette aura son manteau, elle s'arrêtera dans le chemin creux, toute seule, pour se regarder, penchant sa tête sur tout son corps. Et là, arrêtée, elle fait onduler ses hanches pour voir comment ça fait quand elle marche. Mais tout ça est encore très loin. La laine est encore sur le dos des moutons, et l'herbe que les moutons devront manger avant qu'on les tonde n'est pas encore sortie de terre dans le pré. C'est égal. Pourquoi voulez-vous que ça presse ? Un beau manteau en laine de ces moutons-là que la cadette vient regarder dans la bergerie, imaginant que la laine de celui-là, une fois lavée et foulée, sera comme de l'argent, et celle de l'autre, là-bas, couleur de terre fraîche. Et déjà, là, près des claies, elle cligne de l'œil vers les moutons, puis elle cligne de l'œil vers ses hanches et cette courbe-là devant que font ses gros seins et son ventre plat de fille, pour voir comment ça fera quand elle sera habillée en mouton. Alors, c'est égal, rien ne presse. C'est déjà une chose qui donne du plaisir. Et pour moi, il faudra que tu m'en fasses pour une grosse veste de drap roux. Oh, alors là, sois tranquille, si tu as seulement de la laine mérinos, alors apporte-moi ça et tu verras. J'ai trouvé un truc. Tu fais bouillir des racines de gentiane jaune pendant 4 heures, avec guère d'eau et que ça réduise bien. Ça reste vert, mais ne t'en fais pas. Trempe seulement ta laine là-dedans et tu verras. Ça fait un jaune qui est comme le reflet de l'or. Oh, mais dis donc, moi je suis berger, tu sais, et puis dis donc, ça n'est plus de mon âge, et puis dis donc, pour être habillé en or, regarde-moi, je ne suis pas le pape. Ah, tu es toujours assez honnête pour être habillé honnête. Va, et laisse le pape, qu'on ne connaît pas ses idées. Si je te dis que ça peut aller pour toi, c'est que ça peut aller, tu verras. C'est l'or qui te gêne? Je t'ai dit ça, mais ça n'est pas éclatant. Tu te souviens d'Honorine de Bourchenin? Eh bien, comme ses cheveux, avec ce reflet-là, tu vois? Tiens, comme du cuivre, si l'or te gêne, mais alors de toute beauté. Ah, fais donc comme tu voudras, je me fie à toi, tu es assez artiste. Comment ça, dis donc, se dit le tisserand en entrant dans son atelier où la machine tape. Artiste, c'est un travail. C'est l'eau du torrent qui lui fait tourner ses dévidoirs et ses bobines, et qui fait aller le va-et-vient des métiers et le cisaillement des lisses qui montent et s'abaissent. Ça marche avec une roue en bois qui est là-bas dans le courant de l'eau et de temps en temps, il faut aller la rapetasser avec des planches et des clous, parce que le torrent sort tout cru de la montagne. Il est froid et chargé de silice. Hé, Jules, appelle Henriette Coeur, il y a les dévidoirs qui tournent drôlement, viens voir. C'est encore ce limon de pierre qui a usé les planches. Il va tirer la grosse barre de bois qui arrête la roue. Il revient au bout d'un moment pour chercher des clous et le marteau. « Tu en as pour longtemps ?» dit Henriette. « Allez donc prendre l'air, dit-il, j'en ai au moins pour 2 heures. » Alors dit sa femme, « Écoute, Jules, moi je vais faire ma blanquette de chevreau. »« Vas-y, dit-il, car sa femme travaille avec lui, ainsi que ses filles et son fils et Henriette. »« Alors écoute, dit Henriette, qu'est-ce que je fais, moi, de ce temps ?»« Va donc prendre l'air, dit-il. »« Qu'est-ce que tu veux que je prenne, dit-elle. »« Écoute un peu, si tu veux que je regarde comment on pourrait torsader le violin et le marron, dit Jules. » Avec 4 fils. Dis, si tu continues à faire de ce gris, toute la vallée va être habillée de gris. Faisons donc des choses un peu plus gaies, qu'est-ce que tu en dis? Regarde donc, puisque tu veux, mais va donc faire ça là-bas à l'air, sous les saules. Il en tient pour son air. Mais elle y va. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.